Bonjour Tiffaine et très bon après-midi à vous. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean Racine a écrit presque tous ses chefs-d'œuvre sur une période relativement courte, une petite quinzaine d'années entre ses débuts avec la Thébaïde et l'un des sommets de son art que constitue Phèdre. Et puis il y eut Esther et Athalie, deux tragédies de commande écrites après 10 ans de silence. Entre-temps, Racine était devenu historiographe de Louis XIV. Mais de cette œuvre d'éloge du roi, presque rien ne nous est parvenu. Sa vie, elle nous a été racontée lundi dernier par Alain Viala au cours d'une émission à retrouver évidemment en téléchargement. Et puis mardi, c'est à la description et l'analyse de l'œuvre que s'est attelé Georges Forestier, qui nous a en particulier aidé à comprendre la notion de classicisme rapportée à l'œuvre du dramaturge. Enfin hier, Tristan Allonge est venu nous parler du rapport de Racine avec les auteurs de la Grèce antique et singulièrement avec Euripide. Et aujourd'hui ? Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en. Aujourd'hui, en seconde partie, nous reviendrons sur l'idée d'un Racine courtisan et carriériste avec Pierre Le Pape. Tandis que pour évoquer notamment l'amour chez l'auteur de Phèdre, nous sommes à présent avec vous, Nathalie Azoulay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, vous avez même été auréolée du prix Médicis en 2015 pour votre roman Titus n'aimait pas Bérénice, publié aux éditions POL. POL où vous avez publié depuis Les Spectateurs en 2018 et en 2019 En découdre ainsi que Clic-Clac qui ont paru simultanément et où l'on a à chaque fois une héroïne qui se pose moins la question de savoir qui suis-je que la question de savoir qui me hante puisqu'il y a à chaque fois un artiste qui habite vos livres. C'est vrai, j'ai pour habitude depuis quelques livres de mettre en dialogue un créateur et une œuvre et de me poser la question de savoir comment ça se passe en fait ce dialogue et ce laboratoire de la création. Et c'est vrai que quand j'ai imaginé d'écrire Titus n'aimait pas Bérénice, j'avais déjà ça en tête en fait. Et je me suis arrêtée sur la figure de Racine parce que c'était un auteur qui m'habitait depuis longtemps, mais qui aussi me posait beaucoup de questions et qui restait très mystérieux. Mais je l'ai approché de cette façon-là, c'est-à-dire j'ai essayé de rentrer et de fabriquer un laboratoire de création très très très loin de moi, puisque il est au 17e, il est dans un environnement très très différent et très singulier qu'est le jansénisme, mais quand bien même, en fait, c'est ça que je cherche à chaque fois, c'est comprendre comment l'élaboration se passe. Donc pour Clic-Clac, je le dis simplement aux auditeurs qui voudraient se procurer vos derniers livres, c'est de Sidney Pollack qu'il est question, enfin vous y faites en tout cas référence. Et puis pour En découdre, c'est plutôt les tableaux de Giorgio Morandi. Est-ce que vous pouvez nous dire encore un peu plus ce qui vous a conduit vers Racine? Est-ce que c'est une référence qui vous a paru évidente quand vous vous êtes mise à réfléchir sur la question de la déprise, la question de la fin de l'amour et la question de la tragédie qui forcément résulte de cette fin de l'amour quand elle n'est pas désirée par, en l'occurrence, Bérénice, votre héroïne? Je me suis intéressée à Racine bien longtemps avant, en fait. Il est déjà présent dans plusieurs de mes romans antérieurs. Et je l'avais abordé non pas du point de vue de la séparation, mais du point de vue de l'expression, de l'amour d'abord. Et c'est vrai que j'ai toujours été très intriguée par cette espèce d'extravagance pulsionnelle qui se passe sur la scène, puisque j'ai surtout été voir Racine avant de le lire même. Et je me suis toujours demandé d'où venait cette violence et pourquoi elle avait été poussée aussi loin, surtout du point de vue féminin. Et c'est vrai que j'ai adopté petit à petit un point de vue qui ressemble un peu à celui de Proust, par exemple, qui dit toujours qu'il y a en racine une hystérique de génie. Et c'est vrai que ça m'intéressait de savoir comment le féminin et le masculin travaillaient dans cette œuvre, et comment l'expression du féminin était articulée et surtout était nouvelle de ce point de vue-là, enfin du point de vue de l'expression du désir. Donc je l'ai abordé d'abord de cette manière-là. Oui, vous dites d'ailleurs, c'est une expression un peu amusante, que Racine, c'est un rocher de Gibraltar entre les sexes. Oui, c'est vraiment ça qui m'intéressait, parce que quand je me suis posé la question de la séparation, puisque Titus n'aimait pas Bérénice, raconte une séparation, je me suis dit que c'était la seule façon peut-être de réconcilier les sexes que d'aller chercher une œuvre produite par un homme et qui parlerait de cet abandon des femmes et de ce terrassement des femmes, comme on le voit souvent chez lui. Alors évidemment, il y a aussi des hommes qui sont terrassés chez Racine, mais j'ai plutôt centré mon regard sur ces héroïnes féminines. Donc, oui, voilà, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce rapprochement des sexes à l'intérieur d'une œuvre qui, a priori, n'était pas destinée à ça. Est-ce qu'il y avait une volonté de comprendre l'homme Racine, puisque il est bien raconté sa vie aussi dans votre livre, de comprendre l'homme Racine et sa part justement de féminité, essayer de voir pourquoi est-ce que il arrivait à saisir si bien ce qu'il y a de féminin dans la passion amoureuse, en tout cas la manière dont les femmes peuvent ressentir la passion amoureuse et la séparation. Alors sa part de féminité peut-être pas, mais en tout cas son rapport au féminin, oui, que j'ai essayé d'organiser d'une manière un peu progressive. J'ai évidemment puisé dans la biographie, puisqu'il y avait quelques éléments de cet ordre-là, mais après c'est vraiment l'imagination romanesque qui a pris le dessus. Et donc moi j'ai imaginé une exploration du féminin qui avait commencé dans l'enfance, à la fois dans la vraie vie à Port-Royal, mais aussi dans la littérature déjà, à l'occasion de sa fréquentation de Virgile, par exemple, et de Didon en particulier. Et à partir de là, l'expérience amoureuse qu'il a pu avoir derrière, auprès des comédiennes notamment, et dans le monde du théâtre, ont été pour moi des manières d'alimenter des hypothèses qui ne sont pas très originales. Hein. Mon livre ne repose pas tellement là-dessus. Je lui fais traverser des expériences passionnées, mais comme tout le monde peut les avoir. Mais vous en fait, avez cherché à être fidèle quand même à la biographie connue de Racine. Oui, j'ai essayé de pas m'en éloigner trop pour que ça reste cohérent. Mais mon intérêt à moi, c'était de raconter comment la langue s'était posée là-dessus et comment il avait imaginé un projet littéraire à partir de ces données-là. Et au sein des hypothèses, il y a ces hypothèses biographiques, il y a ces hypothèses littéraires, et puis il y a des hypothèses qui sont vraiment propres au roman et qui n'appartiennent qu'à moi. Donc, mais l'intérêt pour moi, c'était évidemment de creuser cette passerelle homme-femme à l'intérieur de l'œuvre. Alors il y a cette expression aussi qui est de votre héroïne quand elle dit « Racine, c'est le supermarché du chagrin d'amour ». Qu'est-ce que ça signifie, le supermarché du chagrin d'amour ? Est-ce que ça veut dire qu'il a exploré toutes les options possibles de l'amour et de la rupture ? Oui, ça veut dire qu'il y a de multiples combinatoires dans ces pièces. Et en particulier de la non-réciprocité, puisqu'il y a toujours ce schéma selon lequel A aime B qui aime C. Et donc, il y a plusieurs configurations comme ça. Il y a aussi des amours réciproques qui finalement ne le sont pas tant que ça. Et puis, il y a des amours réciproques qui, malgré leur réciprocité, se passent très mal. Donc, il y a vraiment toutes les configurations de l'abandon, de la trahison, de la transgression et finalement du malheur amoureux. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé cette formule un peu prosaïque du supermarché. Marché, oui. Il n'y a pas d'amour heureux chez Racine. Chez Racine, il y en a, non, vraiment pas. Oui. Et est-ce qu'il y a une morale de l'amour ou une philosophie de l'amour ? Ça, je ne sais pas. D'abord, je pense que c'est aussi un objet littéraire que l'amour chez Racine. Donc, c'est une aubaine pour lui de trouver ce positionnement du côté de la passion et de la violence du surgissement amoureux au sein des alliances et au sein des configurations plus posées. Donc, je pense qu'à partir de là, il crée quand même un nouveau théâtre de l'amour. Et après, je ne sais pas, je pense que l'amour est un objet littéraire, mais c'est aussi sans doute une façon de répondre à une vision du monde qui lui vient du jansénisme et qui est une vision violente. Si Racine n'était que celui qui a écrit des histoires d'amour, Je pense que ce serait très faible. En revanche, je pense que si on commence à entendre que ce discours amoureux n'est pas un simple discours amoureux, mais, comment on pourrait dire ça, une question de vie ou de mort, quelque chose de fondamental, d'essentiel, alors ça redevient important et intéressant, quelque chose de constitutif, au fond. Je crois qu'on pourrait dire, à propos de Racine, que chaque personnage pourrait dire la phrase suivante « Je suis aimé, donc je suis. Mais si je ne suis pas aimé, alors je ne suis plus. Alors je meurs, littéralement. Et c'est donc une question de vie ou de mort. Il faut que l'autre me désire. » C'est un assez bon résumé de ce qui se passe dans votre livre que nous fait ici Daniel Mesguich. Vous ne trouvez pas, Nathalie Azoulay ? Oui, c'est ce rapport au monde qui passe par le désir, qui est comme une espèce de se brancher sur un flux d'existence. Et en retour, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réciprocité. Donc ce flux d'existence est comme laissé en l'air et jeté dans le monde et jette les personnages dans un désespoir qui les mène souvent à la mort. Oui. C'est assez juste. Ouais. Comment Racine écrit-il sur l'amour ? Peut-être d'abord en lisant des livres sur l'amour et en lisant assez jeune Des Ports Royales. C'est un petit peu ce qu'on comprend de la biographie romancée que vous insérez dans votre ouvrage, Nathalie Azoulay. Oui, il a une pratique des textes qui commence dans l'enfance et qui est très très exigeante et qui est très poussée, comme on le sait, puisqu'à Port-Royal, on encourageait ça vivement. Ça passe par la littérature antique, par les Grecs, par Virgile, encore une fois. Il y a sans doute d'autres choses. Moi, je n'ai pas écrit une biographie de Racine, donc je ne suis pas du tout détentrice d'un savoir que d'autres ici ont beaucoup plus que moi. Non, mais c'est votre vision subjective. Oui, qui nous ma vision, c'était de raconter comment il s'alimente à des sources qui sont les sources gréco-latines, et à partir de là, élabore son propre laboratoire de création, qui passe surtout par ce rapport à la langue que moi je trouve très particulier, mais que beaucoup de monde a repéré évidemment chez lui, une forme de poème qui travaille sur à la fois l'ellipse, la simplicité, la contradiction, le manque d'articulation syntaxique, et une façon donc de poser comme ça la langue sur des drames et des violences, tout en l'estompant tout le temps. Hein. Il y a ce merveilleux texte de Spitzer qui parle de l'effet de sourdine chez Racine, et qui obscurcit comme ça le sens, et qui est, je crois, sa qualité première. En tout cas, moi, c'est toujours ce qui me touche le plus. La pompe racinienne me touche assez peu. Elle me hérisse même quand j'arrive dans le théâtre et que j'entends l'alexandrin démarrer sur ce régime-là. J'ai un peu des réactions comme ça, en arrière. Mais il y a quelque chose qui vous gagne peu à peu et qui est d'un autre ordre et qui fait le poème racinien. Alors on reviendra peut-être si on a justement le temps sur cette langue racinienne, mais pour continuer sur la question de comment est-ce qu'on écrit l'amour, il y a donc l'inspiration des livres, est-ce qu'il y a aussi la pratique de l'amour, est-ce que pour écrire l'amour il faut l'avoir connu, l'avoir senti, ressenti, c'est peut-être des questions qui traversent aussi à la fois votre livre et peut-être la biographie de Racine. Oui, c'est vrai que moi je le mets aux prises avec ces questions-là, puisque quand il est à Port-Royal, évidemment, il n'a aucune expérience amoureuse. Donc l'amour est un pur objet littéraire, un pur objet de fiction et d'étude. Et je le mets en situation de se questionner sur comment est-ce qu'on peut écrire de manière singulière, de manière authentique, si on n'a rien vécu. Donc c'est vrai qu'après, en quittant Port-Royal et en allant à Paris, il va rentrer dans une autre dimension de l'expérience et il va vivre des amours et qui vont être d'autres sources d'alimentation. Bon, mais ça c'est le béaba de n'importe quelle existence humaine et pas forcément celle d'un écrivain. Mais c'est vrai que je le mets aux prises dans l'enfance avec ces questions. Là, parce que ce sont des questions à la fois simples et légitimes. Alors donc, vous avez choisi Bérénice. Vous auriez pu choisir une autre héroïne de Racine. Pourquoi Bérénice plutôt qu'une autre ? Alors Bérénice, parce que c'est la tragédie de la séparation, parce que c'est un oratorio de la séparation, parce qu'il n'est question que d'annoncer à une femme qu'on la quitte, et que c'était en fait ce point de vue-là qui m'intéressait particulièrement à ce moment-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, au départ de mon intérêt pour Racine, il y avait l'expression du désir, mais en fait, quand j'ai écrit ce livre-là en particulier, c'était l'expression de la séparation qui m'intéressait. m'intéressait. Donc Bérénice, c'est vraiment la pièce qui est consacrée à ça et qui est au centre de son œuvre, donc qui est pour moi comme une figure un peu très centrale et très unique. Elle est écrite en 1670, elle remporte un grand succès. C'est grâce à Bérénice qu'il évince définitivement son rival Corneille. Il écrit d'ailleurs Bérénice peut-être pour se mesurer à Corneille. Absolument, oui, c'est pour le talonner qu'il produit et qu'il écrit Bérénice. Et Bérénice est une tragédie où pendant 5 actes, il n'est question que d'une situation de parole en fait. Donc il n'y a aucune action secondaire particulière, il y a pas de bataille, il n'y a pas de mort, il y a vraiment rien d'autre que Titus qui doit annoncer à Bérénice qu'il la quitte puisqu'il devient empereur de Rome. Mais alors vous imaginez aussi un dialogue au cours duquel Racine dit à Boileau qu'il hésite à faire mourir Bérénice parce que, lui dit-il, on ne meurt pas d'amour. Oui, il y a des options, d'autres versions de l'histoire où Bérénice meurt, où Titus finit par épouser Bérénice. Donc il y a mille manières de sortir de cette histoire. Donc lui choisit une séparation sans mort, sans suicide. Et c'est vrai que ça donne à sa pièce et à son héroïne en particulier une espèce de magnanimité comme ça, très majestueuse, hein, cette fameuse tristesse majestueuse. Le ténébroso racinien. Voilà. Et il m'intéressait d'enquêter par ses questionnements d'écriture à lui sur, en effet, le rapport entre la mort et le chagrin. Et donc, cette réponse qu'il fait à Boileau est une réponse assez sensée. Et il y a toujours devant la passion tragique et la passion racinienne en particulier, la volonté de savoir s'il y a une outrance, si on n'exagère pas le drame, et si la raison peut quand même aider les personnages à s'en sortir. Et on a là une héroïne qui s'en sort quand même par une forme de rationalité. Est-ce qu'elle s'en sort justement, votre héroïne Bérénice, grâce à Racine finalement ? La mienne, en tout cas, elle en sort plus apaisée. Je ne sais pas si elle s'en sort, mais Racine lui permet de faire un chemin en elle-même et de fréquenter des sœurs de douleur qui à la fois la réconfortent, l'éclairent, viennent la nourrir et finalement la rendre un peu plus solide à la fin du roman, oui. Donc vous pensez que Racine, c'est aussi une littérature qui peut être consolatoire, qui peut nous consoler, qui peut consoler la personne qui est atteinte d'un chagrin d'amour? Oui, mais c'est une consolation qui est active, c'est-à-dire que à la fois elle prend à bras-le-corps une démarche et puis elle se venge. Et je pense que dans la passion racinienne, et en particulier chez ses héroïnes, l'étape de la vengeance est très importante. Il y a une violence d'affrontement, de confrontation et de ressentiment qui est assumée. Et mon héroïne s'en sert. Oui. Par exemple, la vengeance dans Racine, ce serait dans quelle pièce en particulier ? Ben, quand Phèdre apprend que Hippolyte aime Aricie, elle mandate Œnone vers la calomnie d'Hippolyte qui finira par la mort d'Hippolyte. Donc c'est une manière de vengeance indirecte, mais elle se venge. C'est-à-dire que la jalousie est telle qu'il n'y a pas de rempart contre cette jalousie. Elles sont tout à fait livrées à leur jalousie. Et Phèdre en particulier va très loin dans ce sens-là. Ce que la tragédie racinienne met au jour, c'est une véritable universalité du langage. Le langage absorbe ici, dans une sorte de promotion enivrée, toutes les fonctions dévolues ailleurs à d'autres conduites. On pourrait presque dire que c'est un langage polytechnique. Il est un organe, peut tenir lieu de la vue comme si l'oreille voyait. Il est un sentiment, car aimer, souffrir, mourir, ce n'est jamais ici que parler. Il est une substance, il protège. Être confondu, c'est cesser de parler, c'est être découvert. Il est un ordre. Il permet au héros de justifier ses agressions ou ses échecs et d'en tirer l'illusion d'un accord au monde. Il est une morale, il autorise à convertir la passion en droit. On pourrait dire que la parole n'y est pas action mais réaction. Cela explique peut-être pourquoi Racine s'est soumis si facilement à la règle formelle de l'unité de temps. Pour lui, le temps parlé n'a aucune peine à coïncider avec le temps réel, puisque la réalité, c'est la parole. Pourquoi aussi il a fait de Bérénice le modèle de sa dramaturgie. L'action y tend à la nullité, au profit d'une parole démesurée. La Compagnie des œuvres sur France Culture et cet extrait de Sur Racine de Roland Barthes, lu par Nicolas Devanne. On va beaucoup parler, je pense, de Roland Barthes durant cette émission. On a plusieurs extraits à vous diffuser. Qu'est-ce qui est frappant pour vous dans ce qu'on vient d'entendre, Nathalie Azoulay? Bah, c'est en effet cette part que prend la parole dans l'action. Et en particulier dans Bérénice, qui n'est qu'un flux et un reflux de paroles, hein, qui va de du dire au ne pas dire, en passant par le secret, l'aveu, enfin toutes les situations, tout plein de régimes de paroles qui sont en fait contrastés et qui vont de du secret à l'aveu finalement, ou du silence à l'expression de la nouvelle. Donc, mais il y a du déni, il y a du retrait, il y a de l'hésitation, il y a de la délibération. Donc, il y a des régimes de parole très variés. Et c'est en effet le cœur de l'action de la pièce. Alors, comment pensez-vous que la forme chez Racine rejoint le fond de ce qui nous touche, et notamment dans sa description des passions? Est-ce que la façon dont il écrit, pour vous, reflète aussi les émotions, reflète le sens finalement de ces pièces? En fait, moi, ce qui me touche le plus dans la façon d'écrire de Racine, c'est, enfin, et je ne vous étonnerai pas, mais c'est une forme de modernité. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, dans la convention de l'alexandrin, la pompe de l'alexandrin classique, des surgissements poétiques qui ne sont pas de ce temps-là seulement, en fait, qui nous parlent. Et ce n'est pas un hasard si un auteur comme Duras s'est tant inspiré de Racine, et elle en a même repris des effets, hein, avec ce goût de l'ellipse, de la simplicité syntaxique, de la juxtaposition comme ça dans la phrase, de la contradiction. Tu me tues, tu me fais du bien, hein, c'est une phrase qui me revient d'Hiroshima, mon amour. On a l'impression que c'est qu'il y a un tempo racinien dans les phrases de Duras qui est tout le temps là. C'est l'essentiel qui reste avec Duras comme avec Racine. Oui, c'est une forme d'adhésion à la simplicité de la contradiction et au surgissement de la violence qui n'est pas qui ne passe pas par de la pompe, qui passe par une syntaxe très finalement très très pure, hein. On a l'impression de on parle souvent de cette pureté, mais elle est difficile à qualifier et à définir, mais elle a évidemment quelque chose à voir avec la simplicité. Avec l'élégance aussi. Oui, avec le fait que son vocabulaire est quand même très économe, qu'il joue beaucoup, encore une fois, de ses effets et d'anacolutes et de ruptures syntaxiques, sans articulation, de beaucoup d'ellipses aussi. Vous n'avez pas un exemple d'anacolutes, par exemple? Non, mais ces fameux vers de la fin de Bérénice, Titus même, il me quitte, je l'aime, je le fuis. Enfin bon, voilà, où il joue avec des phrases qui sont sujet, verbe, complément, qui sont très très simples, et qui en même temps contiennent en elles-mêmes toutes les contradictions de la pièce, en fait, mais dans un langage qui n'est pas un langage du XVIIe, qui est un langage qui semble un peu trans-siècle. Ouais. Il y a une autre figure de style qu'il aime bien, c'est l'hypotypose, puisqu'on parle des figures l'hypotypose, de style. L'hypotypose, oui, alors ça c'est plus classique, c'est-à-dire que c'est une manière de rendre par l'image et de manière très très visuelle et dans les détails des scènes qui sont des scènes en général violentes, de batailles, de morts, de massacres, et qui font voir sur le théâtre et la scène des choses qui ne sont pas montrables dans les conventions de la tragédie. Oui. Bon, il y a cette fameuse mort d'Hippolyte à la fin de Phèdre. Oui. Faire voir, c'est aussi une des caractéristiques du théâtre racinien, c'est amener des images par le verbe. Bien oui, puisqu'il n'a pas, dans son esthétique et dans l'esthétique de la tragédie, accès à un déballage sur scène des opérations, donc il faut les raconter, et le langage est le seul moyen de les faire vivre et d'en rendre témoin le spectateur. Oui. Alors comment est-ce qu'il faut le dire selon vous, ce texte racinien? J'imagine que vous avez vu pas mal de pièces de Racine, même si peut-être que vous préférez le lire. Est-ce qu'il y a dans la diction quelque chose de spécial qu'il faut avoir pour le pour le dire bien. Alors moi, je n'ai pas du tout de théorie sur cette question. Je ne suis pas assez savante pour ça. Mais c'est vrai que la question qui se pose toujours, c'est de savoir comment à la fois être fidèle à la diction, enfin pas à la diction classique, mais en tout cas à l'alexandrin, mais à une forme de contemporanéité audible pour nos oreilles aujourd'hui. Donc, et à chaque fois qu'on va voir une pièce, c'est quand même ça qui est en jeu. On se demande à chaque fois si on est tiré du côté d'un effet de ridicule ou d'un effet d'adhésion et d'émotion. Et c'est jamais très facile de savoir si c'est gagné ou pas. Récemment, moi, j'ai vu une pièce, enfin une version de Phèdre qui a été mise en scène par Brigitte Jacques. Et remarquablement, c'était à la fois l'alexandrin et un texte audible pour nos oreilles. Donc, et en même temps, il n'y a pas la sobriété dont vous parliez dans la mise en scène de Brigitte Jacques, qui montre vraiment la passion de Phèdre, par exemple. Bah, à la fois, c'était très prédateur, c'est-à-dire qu'il y avait une animation et physique et violente et sexuelle de l'héroïne, mais ça restait assez sobre, moi j'ai trouvé. Et très beau, hein, d'ailleurs, ouais. C'est une formidable pièce. Une phrase de Klaus Michael Gruber, le metteur en scène, me revient en tête quand il disait, pour jouer Bérénice, il le disait à Ludmila Mikel, c'était pour une mise en scène à la Comédie Française, il disait, il faut le jouer le cœur chaud et la bouche froide, ça vous parle ? Oui, alors c'est vrai qu'il a fait une tentative d'un Racine très très assourdi, hein, qui passait par plus de murmures qu'autre chose. Il voulait qu'on entende le bruit du papier ou de la plume pendant que les acteurs disaient le texte. Oui, ça me parle, c'est cette volonté d'aller au plus près du texte et d'essayer d'éviter le maximum d'effets, en fait. Hein. Et c'est pour ça que je parlais d'oratorio. C'est vrai que il y a une forme peut-être optimale de mise en scène du théâtre racinien, c'est le texte pur, en fait. Je sais qu'à Radio France, il y a eu des enregistrements dans l'auditorium sans mise en scène du tout et qui sont presque la chose la plus réussie pour Racine. Les personnages de Racine n'existent, comme tous les personnages du théâtre baroque en général, de tout le théâtre du XVIIe siècle, c'est vrai, ces personnages n'existent qu'à travers leur discours. Donc, on peut, après coup, on peut faire une analyse du personnage, mais il n'y a rien de plus ni de moins que ce que le personnage dit. Il existe en termes des mots qu'il dit. Dès que le personnage arrête de parler et écoute la réplique de son partenaire, le personnage cesse d'exister psychologiquement. Il n'existe qu'à travers les réactions qu'il peut avoir à ce que dit l'autre. Donc on voit bien là que c'est en termes de discours que ces personnages existent. Mais bien sûr que ce sont des personnages humains. Et par exemple, c'est la différence... Donc, selon un des mythes auxquels Racine fait partie, c'est le mythe de l'âge classique, mythe inventé au XVIIIe siècle et perfectionné au XIXe siècle. Mais donc, l'âge classique, selon ce mythe, aurait commencé au milieu du XVIIe siècle et aurait continué jusqu'à la Révolution. Et on voit au XVIIIe siècle des œuvres comme les tragédies de Voltaire qui sont écrites exactement sur le modèle des tragédies de Racine. Il y a la même technique dramaturgique, il y a le même vocabulaire. Voltaire utilise, je n'ai jamais fait d'analyse, mais je dirais à 90%, ce sont les mêmes mots qu'il utilise. Or, les tragédies de Voltaire ne touchent personne parce que ce n'est qu'une formule creuse et que effectivement nous ne recevons pas d'émotions humaines des personnages de Voltaire. Donc c'est aussi une indication de l'humanité qu'il y a dans les personnages de Racine, mais qui ne fonctionne pas comme disons les personnages humains dans une pièce naturaliste de la fin du 19e siècle ou dans une pièce contemporaine. L'analyse par le cinéaste, écrivain et dramaturge Eugène Green de ce mystère qu'il y a chez Racine dans sa capacité à nous émouvoir, cette petite pique pour Voltaire, mais qui nous fait réfléchir pourquoi est-ce que le même mot employé par Voltaire n'a pas la même puissance d'émotion que quand c'est Racine qui l'emploie. Vous avez une idée là-dessus, Nathalie Azoulay ? Non, mais c'est ce qu'il désigne comme l'humanité de Racine, pour moi, c'est cette manière qu'a eu Racine d'être habité à la fois par le jansénisme et par le reste. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de noyau dur qui était tellement violent, tellement intègre et tellement continu, hein, puisqu'il a été janséniste avec des interruptions évidemment, mais quand même jusqu'à la fin de sa vie, que c'était pour moi le cœur du réacteur. Il est là, hein, il est dans ses années d'enfance qui le mettent au contact de cette vision du monde qui est tellement exigeante, intégriste et extrême. Oui. Donc vous le voyez pas comme un courtisan, vous le voyez comme un janséniste. Bah, il a été courtisan aussi, mais le courtisan vient vivre avec le janséniste sans arrêt. Donc c'est ce contraste et cette division-là qui, à mon avis, fait le nerf de tout. Est-ce qu'il reste un mystère pour vous? Qu'est-ce qui est toujours le plus mystérieux? Toujours, je vous dis, quand j'arrive au théâtre et que la tragédie commence, bah, je danse d'un pied sur l'autre, je me demande si c'est bien, si c'est pas bien, si ça me touche, si ça me touche pas. Je finis toujours par dire que ça me touche et par trouver ça sublime. Mais il y a toujours cette valse hésitation devant cette œuvre qui n'en finit pas de ne pas se donner. Et qui n'en finit pas de questionner aussi les lecteurs que nous sommes. Merci beaucoup Nathalie Azoulay d'être venue aujourd'hui pour nous parler de Racine et notamment de l'amour. Votre roman Titus n'aimait pas Bérénice est disponible aux éditions POL. En seconde partie de cette émission, on retrouve Pierre le Pape toujours pour évoquer Racine, mais pour l'heure un détour par le regard d'Olivier Barbaran. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à vous Olivier. Bonjour. Vous êtes poète, votre dernier recueil Un grand instant a reçu le prix Apollinaire. Vous êtes également spécialiste d'Aragon, inspecteur général de l'éducation nationale. On va enfin pouvoir lire bientôt un article de vous sur Racine dans la revue Europe consacrée au grand dramaturge et qui va sortir en avril. Alors justement ça nous questionne sur ce qu'est aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, peut-être même dans le monde francophone, quelle est la place de ce glorieux dramaturge? Une place sans doute fragile et peut-être Racine nous apprend-il qu'il n'y a rien de plus délicat et fragile que la gloire. En ce que il apparaît tellement comme un monument national, il a tellement été l'objet de débats qu'il ne concernait pas. On l'a bien vu aussi avec la Nouvelle Critique ou la polémique entre Barthes et Picard. Finalement, autour de Racine se constituaient d'autres enjeux où il était pris peut-être un peu en étau dans des questionnements de critique littéraire, de théorie qui ne le concernaient que peu. À force d'être un monument national, peut-être court-il le risque de n'être plus tout à fait visité. Alors nous sommes quelques-uns, je crois que nous en avons entendu récemment, à considérer que cette œuvre de demeure considérablement actuelle, constamment énigmatique, problématique. Mais en même temps, il est certain qu'il ne bénéficie pas des grands atours que sont généralement l'alliance du génie et de la révolte. Entre son visage de courtisan, entre cette capacité de faire carrière, entre le mystère pour nous d'une sorte de fabrique qui en même temps fabrique du sublime, il semble qu'il n'ait pas toutes les séductions qu'on peut avoir lorsqu'on a une vision peut-être plus désordonnée et plus folklorique du génie. Du coup, il risque toujours de tomber dans la monumentalisation, dans l'utilisation patrimoniale. Et je crois que Racine poursuit une carrière à la fois d'auteur frénétique, ce qu'il est, et en même temps d'auteur méconnu et énigmatique qui risquerait d'être enveloppé dans sa gloire. Vous vous souvenez, il y avait dans un film consacré à la vie de Mozart une formulation terrible que Mozart donnait à propos d'une autre musique, où le jeune Mozart, avec beaucoup d'insolence, disait « il chie du marbre ». Il faut absolument que Racine, on ne lui fasse pas chier du marbre, parce que Racine, ce n'est pas du marbre, c'est de la chair. Et c'est ce que vous faites, justement, remettre Racine en perspective, on va le dire comme ça, dans le numéro de Europe, donc qui paraît en avril. Oui, en avril 2020, parmi les surrections régulières que Racine doit faire et pour lesquelles il est nécessaire de le remettre en perspective et de rappeler notre vénération pour un auteur qui n'est pas un monument historique, il y aura un numéro dirigé par les deux spécialistes que sont Alain Gentiot et Tristan Allange, et qui justement s'interdit de faire unité. Je crois que c'est peut-être une des solutions, Madame Azoulay en a parlé tout à l'heure. Le mystère racinien demeure, alors même que nous le connaissons, la transparence demeure complètement opaque et aveuglante pour nous, et le choix du numéro a été de ne pas essayer de faire une synthèse de l'état de la critique, mais d'accepter la juxtaposition, la dimension à multiples facettes, en proposant quatre entrées. Alors il s'agit là d'une topographie, on peut se demander pourquoi les auteurs ont choisi une topographie de Racine. Racine, mais ils ont convié les spécialistes, dont Georges Forestier, dont des spécialistes universitaires, dont également des écrivains, à s'inscrire dans une vision de quatre facettes. Le cabinet de lecture de Port-Royal, comme le lieu, d'une certaine façon, de l'imprégnation de toute la lecture, l'atelier de la création, la scène et la cour, sans essayer de les juxtaposer, ou plutôt en les juxtaposant, en assumant peut-être cette espèce de fragmentation ou de côté kaléidoscopique d'un Racine dont on peine à faire l'unité. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir finalement comme grande idée force qui comme ça se retrouve dans ce numéro ? Il me semble que, mais c'est peut-être un parti pris de lecteur ici, que l'idée majeure, c'est tout de même celle de la langue dont on a si bien parlé tout à l'heure. À savoir que il y a chez Racine une conversion en langue et une expérience de langue absolument inédite qui demeure effectivement une zone à défendre. Ce qu'il nous apprend, c'est à quel point l'intensité, l'hystérie, la violence, la frénésie ne se jouent pas nécessairement dans une forme justement de démesure ou d'intensité. Peut-être que ce legs, et ce legs si profond et si intense, c'est celui de nous donner une langue absolument inédite qui ne se laisse jamais aller à déborder dans la démesure, alors même que la démesure s'exprime d'autant mieux qu'elle est ainsi contenue. On a parlé de l'effet de sourdine, on peut parler aussi de, finalement, ce travail du vers qui permet justement à la plus grande démesure de s'exprimer dans une brièveté, un laconisme, une simplicité qui font que le volcan est d'autant plus puissant qu'il est comme tenu. Et cette dimension entre la frénésie, la folie et la tenue est peut-être une dimension qui est tout à fait inédite, ou en tout cas qui demeure inédite dans une époque qui a tendance à confondre l'intensité et le désordre. Il y a un ordre de l'intense chez Racine qui court et qui fait que le vers finalement est tout à la fois effectivement ce qui risque de devenir la pompe et donc l'ancienneté de Racine, mais ce qui par éclat et très régulièrement nous met en présence de façon très énigmatique d'une langue éminemment moderne. Je pensais tout à l'heure à ces vers bien fameux d'une scène qui est tout de même une scène délirante, prodigieusement délirante, quand Phèdre se laisse aller devant nous à un véritable fantasme. Elle substitue à l'histoire d'Ariane et de Thésée Hippolyte et elle-même descendant dans le labyrinthe. Elle joue donc à construire, on la voit sur scène construisant son propre fantasme, en substituant chacun des personnages pour pouvoir créer cet amour qu'elle ne peut pas vivre. Et ça peut se traduire par des choses aussi simples que Éphèdre au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Le déplacement simplement de la petite cellule avec vous, qui arrive d'un seul coup au cœur du vers, montre que finalement tout ce qu'elle est en train d'affabuler devant nous se traduit par la volonté tout simplement d'être avec lui. Et il n'y a pas de plus simple expression que ce simple déplacement syntaxique qui est bien au-delà des enjeux de la pompe de l'alexandrin. C'est dans une simple faille de la syntaxe que se joue l'intensité de nos désirs. Merci beaucoup Olivier Barbaran, voilà qui nous donne d'autant plus envie de nous procurer, mais il faut attendre encore avril, le numéro d'Europe auquel vous avez participé. À très bientôt. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Au dernier moment de notre petit cycle Racine, nous sommes à présent avec le journaliste et critique littéraire Pierre Lepape, qui est un habitué de cette émission, grâce à son livre Le Pays de la Littérature, dans lequel il aborde un peu moins de 700 pages, près de 11 siècles de lettres françaises, avec donc une étape par Racine. Je ne sais s'il est possible de jouer Racine aujourd'hui. Peut-être sur scène, ce théâtre est-il aux trois quarts mort. Mais si l'on essaye, il faut le faire sérieusement. Il faut aller jusqu'au bout. La première assaise ne peut être que de balayer le mythe Racine, son cortège allégorique, simplicité, poésie, musique, passion, etc. La seconde, c'est de renoncer à nous chercher nous-mêmes dans ce théâtre. Ce qui s'y trouve de nous n'est la meilleure partie, ni de Racine, ni de nous. Comme pour le théâtre antique, ce théâtre nous concerne bien plus et bien mieux par son étrangeté que par sa familiarité. Son rapport à nous, c'est sa distance. Si nous voulons garder Racine, éloignons-le. Un un nouvel extrait de Sur Racine de Roland Barthes, lu par Nicolas Devanne. Bonjour Pierre Le Pape. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot peut-être pour commencer sur ce qui a été dit jusque-là dans l'émission, sur l'amour, sur le style, sur la vivacité de Racine aujourd'hui. Qu'est-ce que tout cela vous a inspiré ? Mais que le métier de Racine continue à avoir les mêmes effets qu'il pouvait avoir au XVIIe siècle. La gloire de Racine, le succès de Racine, ça a été de jouer sur en fait deux époques et deux publics, je dirais. Un public classique qui attendait de lui l'ordre, la pompe, les grandes orgues de la poésie. Et puis un public déjà plus sensible à la tragédie humaine, je dirais, au déchirement de l'être. Et Racine a toujours joué entre les deux, hein, a essayé de à la fois satisfaire son public, je dirais, son public classique, son public traditionnel, et ce nouveau public qui pensait lui-même voir naître devant lui. Alors c'est peut-être l'un des secrets de sa longévité, sûrement même. On sent poindre l'ambiguïté de Racine dans vos propos, cette ambiguïté que vous traitez avec tout de même un petit peu de distance, hein, dans le chapitre de votre livre, puisque au fond vous reprenez un petit peu l'idée d'Alain Viala qu'on recevait lundi dernier sur Racine comme un caméléon, quelqu'un qui s'adapte aux circonstances et qui est peut-être un petit peu un arriviste. Est-ce que c'est... Il y a que le grand livre qui a été écrit sur la vie, l'œuvre de Racine, qui a été d'ailleurs le point de départ de la querelle avec Barthes, c'est celui de Picard, et qui s'appelle La carrière de Jean Racine. Ouais. Et on parle pas de sa vie, mais de sa carrière. Mmh. Or, dès le départ, dès les origines, dès les petites écoles de Port-Royal, Racine a d'abord été un excellent élève, un grand élève. Et les gens de Port-Royal ont essayé de faire de lui l'un des leurs. Quand on est aussi doué, quand on parle aussi facilement les langues anciennes, quand on sait s'adapter aux exercices scolaires de la façon la plus brillante, on peut réussir tout ce qu'on veut. Or, Racine n'a jamais cessé aussi de leur échapper. Mm-hmm. La carrière de Racine, c'est aussi la carrière de Racine contre Port-Royal. Ouais. C'est-à-dire que même si Port-Royal rattrape à la fin, et on verra de la manière la plus brutale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné où Racine lâche prise complètement, hein, où il déclare que le théâtre est la pire des choses. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il rejoint la même thématique que celle de Nicole, son maître et son adversaire, hein, et qu'il va déconseiller fortement à son fils, par exemple, de se lancer dans le métier de théâtre, en disant c'est un métier qui mène à l'enfer. Alors ça, c'est quand même assez incompréhensible. Donc on peut rappeler qu'en effet, quand il était à Port-Royal, vous l'avez dit à l'instant, Pierre Le Pape, l'un de ses maîtres était donc Pierre Nicole qui a considéré plus tard que le théâtre était une hérésie, plus ou moins. Et Racine, à la fin de sa vie, donc se met sur cette position-là. Comment comprendre ça ? C'est vraiment très difficile à comprendre comme trajectoire. Je veux pas faire de procès d'intention, mais Racine se découvre que le théâtre est finalement très dangereux le moment où il est nommé historiographe de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il a le choix, en fait, entre deux carrières. Une carrière au théâtre qui est brillante, qui est déjà brillante. Il est pratiquement ou presque le seul qui soit reconnu sur la scène française, et puis quelque chose qui pour lui bien plus important, qui est de faire l'historiographie de Louis XIV. C'est bien plus important. Ah, c'est plus important parce que c'est rendre hommage au plus grand personnage de l'époque. Mm-hmm. Et qu'il n'y a pas, de choses plus grandes, plus belles, que de servir le roi. Mais alors ça, il le pense sincèrement, selon vous. Donc c'est à la fois un courtisan, mais c'est quand même un vrai admirateur de Louis XIV. Il est complètement dans l'idéologie de l'époque. Hein. Souvenez-vous qu'on est dans la querelle des anciens et des modernes, et que l'idée des modernes, c'est que Louis XIV est le plus grand des rois, que la chrétienté est supérieure à l'Antiquité et aux religions anciennes, et donc qu'on vit la période la plus haute et la plus importante de l'humanité. Oui. Bah, lui, c'est pas un moderne, précisément. Donc. Lui, c'est pas un moderne, mais il emprunte au moderne cette idée que il va. Et lorsque devient historiographe de Louis XIV, il prend pas les choses à la légère. Je veux dire, c'est pas simplement un job qu'on lui donne comme ça en passant. Boileau, qui est nommé lui aussi historiographe du roi, va faire la même chose que Racine, sauf que Boileau, bon, il va. Pour lui, c'est plus un job alors. Il va suivre les armées. Il va participer à quelques dîners, il va voir d'un peu loin quelques sièges, alors que Racine met les pieds dans la boue, ouais. Véritablement. Mais alors quand vous dites que finalement sa passion c'est sa carrière, puisqu'on parlait avec Nathalie Azoulay de passion amoureuse en première partie de cette émission, pour vous ce qui compte vraiment c'est ça, c'est la trajectoire personnelle de Racine, c'est ça qui lui importe vraiment, c'est à ça qu'il pense quand il se rase le matin. C'est un écrivain professionnel, peut-être d'ailleurs le fondamentalement le premier, ouais. Hein, et pour qui tout compte, tout se fait à partir de la carrière. Ça, je suis persuadé qu'il y a une crainte de représenter Racine. Il y a 10 ans, pour parler un langage actuel, il y a un énorme surmoi racinien, à la fois dans la culture française et sur le théâtre français. Et donc, il faut de toute évidence beaucoup de courage, parfois même peut-être un peu d'inconscience pour secouer ce surmoi. Je veux dire que Racine est un auteur qui est pris dans un tel mythe. Il y a un tel mythe racinien dans la culture française. Racine a tellement alimenté, tout l'apprentissage de tous les jeunes Français à l'école ou au lycée. Il a fait l'objet de tellement de dissertations, de tellement de commentaires professoraux. Il est passé à la fois pour, disons, l'exemple le plus pur de ce qu'on appelle mythologiquement la clarté française et aussi la psychologie des passions. Bref, il est pris dans une sorte de loi culturelle extrêmement forte. Par conséquent, secouer cette loi et la secouer sans trop de gratuité, d'une façon qui ne soit pas purement subversive facilement, je pense que c'est en effet une entreprise difficile, c'est certain. Il est très difficile de monter un spectacle sans avoir présent dans le travail contre quoi on lutte. Et là, on lutte contre une tradition, contre un passé, contre un poids de la loi culturelle qui est extrêmement fort. Roland Barthes, dans un entretien de 1974. Alors c'est vrai que c'est un texte de référence quand même sur Racine. J'aimerais bien vous entendre nous dire ce que vous en pensez de ce texte de Barthes. Je pense que le texte de Barthes, Barthes dénonce de cette manière une mythologie racinienne et ajoute lui-même à la mythologie racinienne. Mais pourquoi faudrait-il d'ailleurs dénoncer la mythologie racinienne pour commencer ? Simplement, il faut dématérialise Racine, hein, c'est-à-dire qu'on retire de son œuvre, de ses pièces, ce qu'il y avait dedans, pour en faire une sorte de de métaphysique poétique qui ne correspond peut-être pas à qui correspond plus à la réalité de l'époque qu'à notre réalité à nous. Donc c'est un peu dépassé aujourd'hui comme analyse. C'est-à-dire que il faut par exemple prendre en compte le fait que à l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire à l'époque racinienne, il y a un jeu littéraire qui est très à la mode, c'est d'opposer un écrivain à un autre, hein, d'opposer un thème de tragédie à une autre. Alors, on oppose Corneille et Racine, on oppose Pradon et Racine, on oppose on oppose la parole pure de Racine à la parole chantée de Lully et de Quino, hein. Et on fait des matchs en quelque sorte. C'est qui va gagner le match. Alors, à ce jeu-là, Racine est toujours le meilleur. De toute façon, on peut aussi considérer que Racine a gagné contre les modernes, enfin en termes de postérité. Je pense notamment au moment où il y a eu de manière concomitante deux pièces de... Alors je ne sais, tout d'un coup j'ai un doute sur de quelle pièce il s'agissait, qui était jouée par un moderne et jouée par, selon un texte de Racine, peut-être que vous pourrez me venir en aide. Féderi Poli. Voilà. Et ben finalement, c'est quand même Racine qui reste. C'est pas Pradon. Ça a été une véritable bagarre. Il faut voir ce que c'est que le public du XVIIIe siècle. Hein, le public de Versailles, c'est 2000 personnes au grand maximum. Hein, et le public, finalement, le jugement du public, c'est celui du roi. Il n'y en a qu'un. C'est qui va l'emporter dans cette espèce de jeu. Très longtemps, Pradon l'a emporté sur Racine. Ouais. Ça n'est qu'à la 12e ou 13e représentation que Racine, à l'usure, je dirais, mais aussi à force de travail. Ouais. Il faut relativiser le génie de Racine, il y a aussi beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a énormément de travail, et puis il y a quand même le génie propre de Racine qui est, je dirais, la musique de ses vers. Hein, quand Racine travaille avec la chant mêlée, à Phèdre en particulier, il lui fait répéter les mots un par un. Comme à une écolière, c'est syllabe par syllabe, de façon à ce que les musiques s'accordent. Donc on est en 1677, l'année de Phèdre, oui. L'acmé un peu de la carrière dramaturgique de Racine, puisqu'après, il abandonne. Le fameux silence de Racine. Alors par exemple, ça se caractérise aussi dans sa vie privée par des changements, puisqu'il se marie, il laisse la chant mêlée voilà, de il côté. Il abandonne ses maîtresses, et en particulier la chant mêlée. Et il se met à militer contre le théâtre. Ce qui est quand même un bouleversement de vie tout à fait exceptionnel. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. D'ailleurs de ce nom-là, je ne m'en souviens pas. Mon souvenir me tue, mon souvenir me tue. D'ailleurs de ce nom-là, oublié, et le son de ta voix et l'odeur de l'été. Je ne t'ai jamais aimé. J'aimerais bien qu'on termine cette émission, Pierre Lepape, puisque c'est aussi la terminaison pour nous de ce petit cycle Racine, en vous demandant ce qu'il représente pour vous finalement, et ce qu'il a représenté pour vous dans votre carrière de critique littéraire. À quel moment, par exemple, avez-vous découvert Racine ? Oh, j'ai découvert Racine comme tout le monde à l'école, hein. Et ce sont pas les meilleures conditions pour découvrir un écrivain. Est-ce que l'école a failli vous dégoûter de Racine? Non, l'école m'a pas dégoûté de Racine parce que j'ai lu Racine avant de le voir. C'est-à-dire que l'avantage de l'école, c'était ces petits classiques Larousse qu'on nous donnait, qu'on nous faisait lire, et que alors j'ai découvert vraiment les mises en scène de Racine beaucoup plus tard. Et là, ça a été vraiment un éblouissement. Et lesquelles en particulier ? Le Bérénice de Planchon, ouais. qui a été quelque chose de... Mais on revient toujours à Bérénice. C'est pas... Là, récemment, le Phèdre de Chéreau, ouais. Même si à la fin du Phèdre de Chéreau, on casse toutes les règles du classique, et on fait mourir le héros sur la scène. Mais est-ce qu'on casse pas aussi... Et ça saigne de partout. Est-ce qu'on casse pas aussi, dans cette mise en scène, des règles de la diction ? Oui, alors le problème du vers racinien se pose toujours. Le problème de la cadence, le problème de... mais on a... le vers de Racine se casse assez facilement. Le vers de Racine s'adapte assez facilement. Je me souviens d'avoir travaillé il y a quelques années sur des lettres que Racine avait envoyées quand il avait 20 ans. Il a envoyé des lettres à La Fontaine depuis Uzès, parce que il avait décidé à cette époque-là de faire carrière dans le clergé, et il avait un oncle qui pouvait lui donner une sinécure assez intéressante. Donc il a vécu pendant 2 ans à Uzès. Mmh. Et il écrivait à ses amis parisiens de façon à ce qu'on lise ses lettres en public et qu'on sache qu'il existait toujours, enfin qu'il était toujours là. Et dans ses lettres, il parle de ses relations avec les gens du pays, etc., etc. Et puis d'un seul coup, il y a « et nous avons des nuits plus belles que vos jours ». Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un vers racinien qui tombe tout seul, comme ça, en plein milieu de la prose, et c'est une merveille. Alors que dire de toutes les lettres qui ont disparu ? Parce qu'il y a énormément d'archives de Racine qu'on n'a jamais pu consulter. Il y a évidemment tout ce qui a brûlé de son œuvre d'historiographe, et puis il y a aussi un certain nombre de lettres qui auraient pu nous permettre de comprendre la genèse de pièces comme Phèdre, justement, par exemple. Tout ça, ça a disparu, oui. Pierre Lepape. Oui, oui, tout ça a disparu, mais il reste... Alors, je voulais vous simplement vous lire un morceau de lettre. C'est un morceau de lettre que Racine a écrit au moment où la Chambellée va mourir. On me dit que la Chambellée est à l'agonie. De quoi on peut être très affligé. Mais ce qu'il y a de plus affligeant, c'est de quoi on ne se soucie guère, apparemment. Je veux dire l'obstination avec laquelle cette pauvre malheureuse refuse de renoncer au théâtre. Pourquoi ce texte-là en particulier, cet extrait-là en particulier ? Parce que ça me semble être peut-être le comble du renoncement. Parce que véritablement, alors il peut interdire à son fils de faire du théâtre, mais parler de la Chambellée avec laquelle il a vécu une histoire d'amour absolument, absolument folle, en parlant d'elle comme une pauvre malheureuse qui renonce au théâtre, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait affligeant. Merci beaucoup Pierre Lepape pour cette lecture et puis pour tout le reste. Votre pays, votre livre, Le pays de la littérature a été publié aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Pierre Cattaneo, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Élise Le. Demain, vous retrouverez Manu Farine pour La Compagnie des poètes. Et nous, on se dit à lundi pour une semaine qui sera consacrée à Andy Warhol. Dans un instant, on retrouve les sciences sur France Culture.